Thank you. Waiting a little to let you make it thing, you know. But I'm here. I made it 7 song. Folha. Listen to me, cause the geometry falls. Don't you have to know my friend, I'm looking forward. Let's keep going, just to see the ground. Just to answer, no less. But I have a frozen watch to play. I'm not so confident I go. What's it coming back? I'm far from my list of buggies. What you need, I said you found the show. soir sera fait. Mais ne me frappe pas trop, s'il te plaît. Je prends la fleur, je vais aller bouger des bras, brûler des gras. J'arrive sur de la fenêtre, un peu de voir comme là. Donc bouge de là, bouge des gras. Moi je ne reste pas, moi je ne suis pas bouquet de gras. Je suis qu'un type normal, une femme. Mais j'ai la saveur, un type banal. Mais je viens d'ailleurs, je kiffe ça, tu sais. Normal, c'est vrai, mais le meilleur. Thank you. cœur, tu sais que je voulais que les gars puissent jouer. Thank you.